Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, à l'ère de la surveillance numérique, une série d'Antoine Tricot réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a le confinement qui nous a contraints au virtuel, les grandes oreilles de nos téléphones et de nos ordinateurs, les méchants GAFA et notre capacité à s'indigner qu'on scrute nos données tout en nous roulant dans les réseaux sociaux. Alors pour commencer, les personnages. Un journaliste pisté, un électricien qui brouille les pistes, une spécialiste de la dissimulation, un auteur qui camoufle, une designeuse pédagogue, une assistante sociale qui résiste. Ensuite, le décor. L'État chinois, le Kazakhstan, du piratage, la surveillance, une maison des journalistes, des techniques pour disparaître, une toile d'araignée, des diversions, des parapluies et des logiciels. Aujourd'hui, 4e épisode, on se tourne vers la Chine. Je suis Antoine Tricot et vous écoutez la série documentaire « À l'ère de la surveillance numérique ». Et c'est réalisé par Rafik Zénine. Je passe ma vie sur Internet. J'utilise mon smartphone et mon ordinateur plusieurs heures par jour, pour mon travail de journaliste mais aussi pour mes loisirs. Et cela ne s'est pas arrangé depuis l'épidémie de Covid-19. En remontant la piste de mes données numériques, je me suis aperçu que nous étions confrontés, de plus en plus, à une surveillance numérique omniprésente. Sur nos ordinateurs, nos téléphones portables, mais aussi dans certains espaces publics. Face à cette situation, je me demande s'il est souhaitable ou même possible d'échapper à la surveillance numérique. Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'on est obligé de faire avec? Ou bien peut-on s'en protéger ou même imaginer des technologies numériques respectueuses de notre vie privée et de notre intimité? Épisode 4, échapper à la surveillance numérique. Dans un livre traduit récemment en français, intitulé « Dictature 2.0 », le journaliste allemand Kay Streetmatter démontre comment la Chine est devenue leader dans les technologies de surveillance numérique. Tant sur Internet que dans l'espace public, les données des Chinois sont collectées, triées et utilisées à des fins politiques. Et en particulier, pour la persécution des minorités comme les Ouïghours et les Kazakhs musulmans, vivant dans la province autonome du Xinjiang. Meribek Salembek a, comme d'autres, fait les frais de cette politique. Ce jeune Kazakh d'origine a grandi en Chine avant de revenir au Kazakhstan pour travailler en tant qu'ingénieur. Il a été confronté à la déportation de ses collègues dans des camps chinois au Xinjiang. Il a donc commencé à militer dans une ONG œuvrant pour la libération des prisonniers. Il a publié sous le nom de Erkin Azat de nombreux articles informant sur la réalité de ces camps de concentration. Nous le rencontrons à la Maison des journalistes à Paris. Une association qui vient en aide aux journalistes menacés dans leur pays. Meribek Salembek est accompagnée par la journaliste taïwanaise Judith Tsang, qui assure la traduction et suit son parcours depuis quelques mois. Je commence par demander à Meribek s'il avait une stratégie pour échapper à la surveillance numérique des services chinois quand il était au Kazakhstan. Sa stratégie est d'utiliser deux portables. Il y a un, c'est il y a pas de SIM card, il y a pas de carte SIM. Il utilise seulement le Wi-Fi et il y a tous les logiciels chinois là-dedans, tout ce qu'il faut. Et l'autre, c'est son vrai portable. Il y a aucun logiciel chinois dedans. En Chine maintenant, tout est lié et il faut enregistrer avec notre vrai nom et avec le numéro portable et tout. Et tu es forcé d'utiliser ces logiciels et tu ne peux pas vivre sans. Il dit qu'avant, à Kazakhstan, ils n'étaient pas obligés de donner toutes les informations privées. Mais là, c'est comme la Chine. Vous avez choisi un autre nom pour vous cacher, pour échapper à cette surveillance. Quand il a su que, en fait, il a des surveillés, il a commencé à choisir un autre nom qui s'appelle Erkan Azat. C'est en fait la liberté. C'est en turc. Pour publier, continuer à publier des informations sur les comptes. Il a pu rencontrer ses témoins des camps de concentration en travaillant à Tajut, parce que c'est une organisation établie par aussi des familles des victimes de ce camp de concentration. Donc il a pu rencontrer des gens là-bas. Il a utilisé le nom de Tabirat. Sur Internet, il a utilisé Erkan Azak et dans l'organisation, c'est l'autre nom, Tabirat. En décembre 2019, donc c'est 8 mois après arrivée, son ancien compte de Instagram a été liké par une personne qu'ils ne connaissaient pas. Et après, la photo likée a été publiée sur un groupe de Facebook. Il a dit, ah, ces gens disent des choses mal sur la Chine et tout. Et donc, son identité a été un peu exposée à ce moment-là. En 12 décembre 2019, il y a une fille, cette fille-là, elle a contacté sur Twitter en lui disant qu'elle est à Xinjiang, elle a des informations importantes sur les comptes de concentration et elle voudrait lui donner ses dossiers. Elle a dit que en fait, ce dossier est gros avec 14 vidéos, donc c'est pas facile d'envoyer sur Twitter ou sur réseaux sociaux. Donc, il a commandé d'utiliser ce logiciel qui s'appelle TeamViewer. Et donc, il a cliqué parce qu'il voudrait bien aussi avoir plus d'informations sur le compte, sur les comptes. Mais en l'utilisant, il a rendu compte que il n'y a rien dans ce dossier, il y a seulement 2 dossiers vides. Mais avec ce TeamViewer, cette fille a lui pris ce dossier à lui, de son ordinateur. Il a pris 167 dossiers de son ordinateur. Ses photos et tout. Toutes ces photos ont été publiées sur Facebook parce qu'il a oublié de supprimer son ancien compte de Instagram. Donc sa famille a contacté ce mec qui a publié ces photos sur Facebook. Et donc ça, c'est la conversation entre ce mec et sa famille. Et en fait, ce genre a dit qu'on a tout ce qu'il faut pour prouver que Merbek est Erkan Azat, et il a dit des choses mal sur la Chine. On a tous ses photos et tout. Donc, une fois il est rentré au Kazakhstan, on va le mettre au tribunal. On va donner toutes ses photos et des dossiers à la police. Il va être arrêté. Durant l'entretien, je remarque que Merbek a éteint son téléphone portable et en a même enlevé la batterie. Il m'explique qu'il a malheureusement toujours le même téléphone qu'au Kazakhstan et qu'il est potentiellement surveillé par les services chinois ou kazakhs. Il aimerait changer de téléphone et même d'ordinateur portable, mais il n'a pas les moyens de le faire. Alors, en attendant, il fait de son mieux pour se protéger. En fait, il va bientôt déménager, il va partir de maison de journalistes. Donc, il a fait extrêmement attention pour que le gouvernement chinois ne sache pas où il va après. Donc, il a tout supprimé. Vous avez peur de la surveillance numérique de la Chine en France ici? J'ai fait extrêmement attention et je m'inquiète beaucoup aussi. Parce qu'à chaque fois, si je veux télécharger quelque chose, je vais d'abord vérifier s'il y a un lien avec la Chine. Et s'il y a des liens, je ne télécharge pas. Par exemple, pendant le cours du français, le prof a d'abord recommandé d'utiliser Zoom. Il est un logiciel chinois. Donc, il a dit au prof de ne pas utiliser Zoom. Donc là, maintenant, il utilise Skype à la place. Je sens que Meir Beck est seul dans son combat. Il n'est pas informaticien et s'est retrouvé plongé, malgré lui, dans une lutte inégale face à un État qui possède un système de surveillance numérique incroyablement puissant. De mon côté, en tant que journaliste français, je m'interroge sur les outils que je peux utiliser pour protéger la confidentialité de mes échanges et la sécurité de mes sources quand je vois le pouvoir de certaines entreprises ou certains États. Il peut m'arriver dans mon métier de rencontrer des personnes désirant rester absolument anonymes pour me confier des informations. Pour savoir comment faire, je me suis tourné vers Jean-Marc Bourguignon. Cet électricien de formation a une longue expérience de la sécurisation des communications des journalistes et des militants. Il a participé, avec le groupe de hackers Telecomix, à la lutte contre la censure sur Internet dans différents pays méditerranéens au moment des révolutions arabes de 2011. Il a passé ensuite plusieurs années à dispenser des formations en cybersécurité pour le compte de Reporters sans frontières. Et aujourd'hui, il poursuit ce travail nécessaire avec l'ONG qu'il a cofondée, Nothing to Hide. N'importe quel journaliste, quand il commence à travailler sur un dossier, il doit se poser les bonnes questions, c'est qu'est-ce que je risque ? Quelles sont éventuellement les menaces auxquelles je vais être confronté ? Donc si vous me dites que vous allez bosser sur Thalès, Safran, là je vais vous dire que vous aurez peut-être du mal, effectivement, à esquiver la surveillance, parce qu'ils ont des ressources, ils ont des moyens, autant privés, et les liens avec l'État font qu'on peut se dire qu'il y a aussi des ressources étatiques qui vont être mises en œuvre, beaucoup plus compliquées. Dans vos démarches, quand vous faites des recherches sur Internet, quand vous êtes en contact avec des gens sur Internet ou sur votre smartphone, il faudra vraiment faire beaucoup plus attention. Pour se protéger des tentatives d'espionnage les plus fréquentes, Jean-Marc Bourguignon a quelques conseils simples à me donner. Quand je commence à faire une formation avec un journaliste, on reprend vraiment les bases de l'hygiène numérique, c'est-à-dire un ordinateur à jour avec un système Microsoft, Windows légal, ça veut dire qu'une licence pour être sûr qu'il puisse être mis à jour, l'utilisation d'antivirus, parce qu'effectivement, on peut utiliser les logiciels les plus sécurisés sur son Windows ou son Android, mais si celui-ci est compromis, ceux qui font ça, ils vont pouvoir intercepter les frappes clavier. Donc c'est déjà avoir vraiment un système stable, avec un antivirus, faire attention à son matériel, on ne le laisse pas traîner, et on ne laisse pas son smartphone ou son ordi en chambre d'hôtel, quand on va au petit-déj, pour garantir l'intégrité physique. Parce que l'accès physique à un appareil, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, ce qui m'intéresse, donc moi je suis journaliste, par exemple j'ai une source, elle veut être anonyme, elle veut soit juste me donner des informations, soit me transférer des documents. Comment m'assurer que dans la communication, le document soit envoyé de manière chiffrée pour pas que ça remonte jusqu'à cette source? En gros, le process, c'est que c'est la responsabilité du journaliste de dire à sa source « Bon voilà, maintenant tu arrêtes de me parler sur WhatsApp ou peu importe. Tu installes Signal ou tu crées une adresse mail chez ProtonMail et à partir de là, on discute comme ça. » Donc, déjà de base sur smartphone, oui, c'est quand même l'utilisation de l'application Signal qui chiffre les textos, les appels voix, et qui chiffre aussi quand on fait un envoi de documents en pièce jointe, c'est chiffré dans l'application Signal. Donc déjà, c'est quand même un peu la base. L'avantage de ces deux services, c'est qu'ils sont très simples à utiliser. Il ne faut pas plus de compétences informatiques pour installer sur son téléphone plutôt Signal que WhatsApp, ou bien pour créer une boîte ProtonMail plutôt que Gmail. Pourtant, Signal comme ProtonMail sont chiffrés de bout en bout, donc même si les communications sont interceptées, elles seront très difficiles à exploiter. Mais une fois les documents reçus, je dois pouvoir les conserver de manière sécurisée sur mon ordinateur, en sachant qu'il peut être ausculté par des cybercriminels ou des services de renseignement ou même fouillé par la police. On utilise sous Windows le logiciel Veracrypt. C'est un logiciel qui permet en une quinzaine de clics, de créer un petit coffre-fort qui va être dissimulable sur votre ordinateur. Il va prendre la forme d'un document, tout simplement, par exemple, radiofrance.jpeg. ou programme.pdf. Vous allez lui donner une taille, on va dire, de 10 mégaoctets. Voilà, donc du coup, ça fait un document PDF que vous pouvez cacher n'importe où, sur une clé USB, dans un répertoire où vous avez plein de PDF. Sauf que ce document, en fait, c'est un coffre-fort. Et vous l'ouvrez avec Veracrypt, et vous pouvez mettre jusqu'à 10 mégaoctets de documents dedans, et vous le refermez. Jean-Marc Bourguignon, chiffrer un document, c'est important, mais il y a toujours un mot de passe à avoir pour chiffrer ces documents, ou même pour avoir accès à un mail sécurisé. Comment faire en sorte que ce mot de passe ne soit pas facilement craquable par un robot, par quelqu'un qui a l'habitude de faire ce type de manipulation? Si j'utilise Veracrypt et que j'utilise le mot de passe Toto, ça sert strictement à rien. Et donc, du coup, avoir un bon mot de passe, mathématiquement parlant, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut que ce soit long. Par exemple, je ne mets pas de $ ou de caractères compliqués, parce que j'ai un cerveau qui, au bout d'un moment, ne sait plus retenir les mots de passe. Donc, par exemple, ici, la salle rouge est sympa, et le micro est gros. Ça, c'est une phrase de passe super costaud. Le plus, c'est s'il y a un petit morceau qui est incohérent. Ça peut compliquer éventuellement la tâche de quelqu'un qui essaierait de le casser. Voilà. Mais c'est vraiment la longueur, partir de 12-14 caractères, mais après, on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, si j'ai créé un faux PDF qui est chiffré avec un mot de passe assez compliqué, la personne va récupérer le PDF et va lancer un programme d'essai de mot de passe dessus automatique. Et ils vont se servir, par exemple, de quelques téraoctets disques durs où il y a des dictionnaires de mots de passe. Déjà tout fait. Alors, et les dictionnaires, il y en a tout plein qui existent par langue, par profession, par loisir. Enfin, c'est impressionnant ce qu'il y a comme moyen. Ensuite, ce qu'on dit aussi hein, dans les phrases de passe ou les mots de passe que vous créez, ne mettez rien de personnel dedans. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des comptes Facebook, Twitter, LinkedIn, j'en passe, voilà. Et donc, on lâche plein d'informations. Je peux le dire, il y a prescription maintenant. Hein, quand on faisait des concours entre nous, à savoir qui arrivait à péter le mot de passe d'une personne, bah on allait regarder les profils et on allait essayer le mot de passe, un mot de passe au hasard, et puis le service nous disait mauvais mot de passe, voulez-vous récupérer votre nouveau mot de passe? On cliquait oui, et là il y avait la question secrète. Très très drôle. La question secrète, c'était toujours marqué quel est le nom de mon collège, etc. Bof, on va sur Copanavant, pouf, terminé. Jean-Marc Bourguignon me conseille aussi un VPN. Un outil qui permet de bâtir une forme de tunnel numérique autour de mon activité sur Internet. Les personnes qui intercepteraient mes communications, ou même mon fournisseur d'accès Internet, pourraient voir ce tunnel de l'extérieur, mais personne ne pourrait capter les informations qui transitent dedans. C'est particulièrement pratique lorsqu'on utilise un accès Internet public, par exemple le Wi-Fi d'un bar, ou que l'on travaille dans un pays où les communications sont systématiquement surveillées. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle est utilisée largement par les administrations et les banques, ce qui la rend quasiment indétectable lorsqu'elle est utilisée par les individus. Ce qui n'est pas le cas d'autres solutions moins courantes comme le logiciel Tor. Donc Tor, c'est tout le monde le connaît sous le côté dark web, l'accès, le web profond, etc. On donnait plein de dénominations, mais en fait Tor est utilisable aussi un petit peu comme un VPN. Ça permet de passer pas mal de surveillance, mais il faut faire très attention au tout début. Une de mes premières missions que j'avais fait, par exemple au Tadjikistan. À Douchanbé, alors Tadjikistan c'est un tout petit pays, et je discutais justement avec des journalistes sur place, etc. Et ils connaissaient Tor, ils l'utilisaient un petit peu, mais pas beaucoup. Et en fait, le danger dans ces petits pays-là, c'est l'utilisation de ce type de logiciel. Parce que, évidemment, à Douchanbé, si moi j'y vais demain et que j'utilise Tor, je serai probablement l'un des seuls. Donc ils vont venir faire toc-toc à l'endroit où je suis. Il y a donc certains moments où la meilleure façon d'échapper à la surveillance n'est pas de se cacher ou d'essayer de dissimuler ce qu'on fait sur Internet à grand renfort de chiffrement ou de logiciels spécialisés. Car le fait de disparaître, paradoxalement, peut attirer l'attention. Une autre technique existe qui consiste au contraire à diffuser des données tout azimut, autant fausses que vraies, pour saturer les canaux de communication et induire l'adversaire en erreur. On appelle ça du bruit. Hélène Nissenbaum est universitaire. Elle est américaine et enseigne à l'université Cornell aux États-Unis. Depuis des années, elle travaille sur ce qu'elle appelle l'obfuscation, qui correspond à une forme de camouflage. Even in nature, it's a technique. I mean, Même dans la nature, c'est une technique qui est utilisée, même si ce n'est pas toujours considéré comme une technique. Par exemple, l'araignée tisseuse d'orbe crée de petites boules de la même taille et de la même apparence que l'araignée elle-même. Comme ça, lorsqu'une guêpe ou un oiseau vient chasser l'araignée, celle-ci a plus de chances de ne pas être mangée par la guêpe ou l'oiseau. Nous considérons donc qu'il s'agit d'une forme d'obfuscation, qui ne consiste pas à se cacher, mais à créer une diversion et du bruit dans le flux de données. Hélène Eisenbaum propose d'appliquer ces techniques au monde numérique. En 2006, elle a co-créé avec les chercheurs Daniel C. Howey et Vincent Toubiana une extension pour navigateur Internet baptisée TrackMeNote. Ce petit programme informatique envoie de manière aléatoire des recherches sur Google, Yahoo ou Bing pendant que vous surfez sur Internet. Ça permet de dissimuler vos véritables recherches sur ces moteurs. En 2009, elle a également participé à la construction de l'extension Ad Nauseam, qui s'attaque cette fois à la publicité en ligne. Le deuxième système que nous avons créé, Ad Nauseam, a pour principe de cliquer sur toutes les annonces sur la page d'un utilisateur. Là aussi, c'est une stratégie d'obfuscation qui ajoute du bruit dans le profil publicitaire d'un utilisateur. Et cela nous semble pleinement justifié car nous pensons qu'il n'est pas acceptable que les utilisateurs soient profilés lorsqu'ils naviguent sur le web. Une de nos grandes préoccupations est la quantité de données que les grandes entreprises technologiques et beaucoup d'autres dont nous n'avons jamais entendu parler, comme les courtiers de données ou même les gouvernements, créent des profils de nous et agissent en fonction de ces profils. Et donc, ce que fait l'obfuscation, c'est introduire du bruit dans le flot des données. La raison pour laquelle nous en sommes venus à l'obfuscation comme solution au problème du profilage est que si vous allez chez le fournisseur de services de recherche sur le web et que vous lui dites « Hey, nous ne voulons vraiment pas que vous stockiez nos recherches », personne n'écoute. Les sociétés de recherche, bien sûr, disent « Oh, nous avons le droit de le faire parce que vos recherches passent par nos serveurs. Nous sommes propriétaires de ces données. Oubliez ça. Nous n'avons pas à vous écouter. » Et le gouvernement, au moins depuis une vingtaine d'années, n'a pas essayé de réglementer ce genre d'activité. Donc, nous en sommes là. Nous sommes des individus, nous n'avons pas le pouvoir d'apporter des changements au système, et donc, nous essayons de trouver ce que nous pouvons faire pour remédier à ce déséquilibre. La solution qu'on a utilisée dans TrackMeNot a été d'injecter du bruit dans la recherche. Et cette obfuscation offre la possibilité pour l'individu, dans ce cas, de camoufler ses traces et de diminuer la valeur de son profil. Et il était clair pour nous, dès le début, que TrackMeNot, et plus tard Ad Nauseam, ne propose pas de vous désidentifier. Nous n'offrons pas de vous rendre anonyme. Ce que l'obfuscation fait dans ce cas, c'est résister à la formation de profils précis. Et ça, c'est du sabotage. Ça rend le profil moins précis et moins précieux dans l'ensemble. Pour Hélène Eisenbaum, cette forme de dissimulation que permet l'obfuscation ne remplace pas le chiffrement des données. Ce sont plutôt deux techniques complémentaires. La cryptographie est parfois, quand on parvient à la mettre en place, un moyen beaucoup plus efficace de, disons, dissimuler le contenu d'une conversation. Mais le problème avec de nombreuses méthodes cryptographiques est qu'il faut que le système lui-même crée cette possibilité. Par exemple, Lorsque vous achetez quelque chose en ligne et que vous rentrez votre numéro de carte de crédit, ces informations sont chiffrées au fur et à mesure qu'elles circulent sur le web jusqu'à leur destination. Mais la seule raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que tout le monde, c'est-à-dire toutes les parties respectables qui participent à ce système, s'accordent pour que le système le fasse automatiquement. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Et bien sûr, les tiers qui souhaitent profiter de vos données, ils n'ont pas intérêt à ce que vos données soient chiffrées, parce que vos données sont précieuses pour eux. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes seul en quelque sorte. Et c'est là que les outils d'obfuscation peuvent être très utiles. Notre révolution, si vous voulez, n'est pas de tout jeter. C'est d'accepter que les données et les méthodes de la science des données, de l'apprentissage automatique, etc., peuvent être utiles. Mais il existe de nombreuses façons d'en abuser. Et le problème est qu'elles sont souvent utilisées de manière abusive par des parties, des acteurs qui sont puissants et qui ont intérêt à faire de la discrimination entre nous et à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt des individus, mais aussi qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt ou compatibles avec les valeurs politiques auxquelles une société souscrit. Et donc, si nous sommes assis autour d'une table dans une négociation et qu'un des groupes qui négocie est complètement faible et n'a rien, aucun pouvoir, vous savez comment va se dérouler cette négociation. Mais nous voulons que les négociations aient des résultats et aboutissent à de bonnes politiques. C'est pourquoi nous considérons que l'obfuscation donne un certain pouvoir aux individus. En fin de compte, ce que nous voulons, c'est qu'émerge un débat dans la société sur les applications et les usages qui sont faits des données, de l'analyse des données et de l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle. Et si c'est bon pour la société en général, c'est vraiment l'objectif final de l'obfuscation et des diverses autres méthodes ou des outils de pouvoir que nous fabriquons pour les parties les plus faibles. Ce qui justifie l'obfuscation est donc l'asymétrie de pouvoir entre d'un côté les utilisateurs d'Internet et de l'autre les très grandes entreprises qui dominent aujourd'hui le réseau, comme Google, Facebook ou les grands courtiers de données. Cette technique est une réponse à la publicité ciblée et au capitalisme de surveillance. Mais l'asymétrie existe aussi dans la mise en place de dispositifs de surveillance numérique dans l'espace public, toujours plus puissants et souvent utilisés pour contrôler les oppositions politiques. Geoffrey Dorn est designer. Il a recueilli, dans un livre intitulé « Hacker Citizen », différentes techniques permettant de se dissimuler à la surveillance numérique dans l'espace public. Certains de ces dispositifs ont été largement repris et développés dans le mouvement de résistance à l'autorité chinoise ayant eu lieu à Hong Kong entre 2014 et 2020. Un mouvement que l'on a justement nommé « le mouvement des parapluies ». Là, on les voit qui sont en train d'installer des parapluies devant les caméras. C'est des parapluies comme dans Chapeau melon et bottes de cuir. Hein, et ils l'accrochent à la caméra pour que le parapluie tombe devant, en fait. Ouais, comme ça, il tient tout seul. Et le parapluie, c'est devenu... ça qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, le parapluie, il était utilisé comme moyen de protection contre les gaz lacrymogènes, etc. Notamment par les Black Blocs avec des parapluies noirs. Et maintenant, c'est devenu un symbole presque de lutte avec des parapluies de toutes les couleurs, avec des parapluies dans tous les sens pour et les gaz lacrymogènes et les caméras de surveillance et juste un symbole de lutte, quoi. Et on voit très clairement comment les parapluies sont devenus le symbole du mouvement de révolte à Hong Kong. Là, voilà, bah justement. Là, on a vraiment tout un mur de manifestants qui fait face à la police et ils ont un mur de parapluies de couleurs très différentes, rose, à carreaux aussi. Et ils ont placé de façon hyper intéressante, comme les boucliers d'armée romaine, donc en formation tortue, avec des parapluies en haut, en intermédiaire et de façon horizontale, pour vraiment créer un bloc et une seule masse, quoi. C'est très esthétique. On voit aussi les quelques visages qui apparaissent derrière les parapluies sont dans des écharpes avec des masques de piscine et des casques et très peu reconnaissables. Une des clés aujourd'hui de la dissimulation dans l'espace public et des mouvements sociaux, c'est cacher le visage. Et vous imaginez, vous aussi, en tant que designer, plein de façons de faire. Il y a plein de raisons pour cacher son visage. Il y a d'abord ne pas être reconnu par les forces de l'ordre, ne pas être reconnu aussi maintenant par les algorithmes hein, qui peuvent plus ou moins nous reconnaître. Alors après, est-ce qu'ils nous reconnaissent nous en tant qu'individus, nous en tant qu'humains ou juste nous en tant que manifestants? Et puis c'est aussi un symbole de ralliement. Voilà, il y a des gens qui portent des masques de personnalités politiques. Donc c'est pas des masques qui protègent vraiment, mais c'est plutôt des masques pour se moquer et pour dissimuler son visage. Et puis il y a aussi des systèmes de masques, on va dire, qui sont physiquement conçus, mais aussi il y a des maquillages, hein, j'en parle aussi dans mon bouquin, des maquillages qui viennent justement perturber la reconnaissance faciale, parce que les algorithmes qui sont derrière pour essayer de reconnaître un visage, ils se basent sur les yeux, sur l'arête du nez, etc. Et donc un petit peu à la manière des camouflages de militaires, on vient mettre en volume les creux et mettre en creux les volumes pour faire en sorte que la caméra ne puisse plus vraiment reconnaître le visage. Il y a aussi des masques qui sont en plexi ou en verre qui viennent déformer le visage tout en le laissant visible. Hein, tout le monde peut voir le visage, mais une caméra verra que c'est un truc déformé, donc ne repérera pas le regard de la personne. Il y a aussi des coiffeurs qui imaginent des coupes de cheveux, justement, qui vont permettre de se dissimuler. Pour pouvoir se dissimuler comme ça, il faut comprendre comment fonctionnent les algorithmes. Et on joue avec ces algorithmes pour les perturber, c'est ça? Exactement. Quand on comprend la technique de la reconnaissance faciale, notamment, on peut justement la détourner. C'est tout le principe du hacking. C'est ce qu'on appelle faire du reverse engineering, donc de l'ingénierie inversée. Donc on comprend l'ingénierie et on va la retourner contre la mécanique et la technique. J'avais créé comme ça des projecteurs infrarouges. Et le principe de la lumière infrarouge, c'est que ça n'est pas visible à l'œil nu. Par contre, les caméras, elles, le perçoivent. Et donc, on va venir éblouir une caméra, alors que d'habitude, les projecteurs infrarouges sont placés sous la caméra pour éclairer une cour, ou éclairer une rue, etc. Donc là, en portant une broche infrarouge, un bonnet infrarouge, je sais pas, une écharpe ou une capuche infrarouge, eh ben, la caméra va être éblouie, mon visage va être anonymisé, même s'il sera extrêmement voyant, parce qu'il sera très très très lumineux, mais on ne pourra pas me reconnaître. Ça aussi, c'est assez intéressant, c'est un t-shirt anonyme, ça a été repris pas mal de fois, où il suffit juste d'avoir un t-shirt avec plein de visages imprimés dessus. Comme ça, quand on a une caméra qui est censée reconnaître notre visage, ben elle reconnaît 40 visages, voire des visages de stars. Et même quand on a un ami qui veut nous taguer sur Facebook, et ben en fait, il vient taguer Leonardo DiCaprio ou Michael Jackson, et tout à coup, ben ça fonctionne plus, quoi. L'algorithme est totalement biaisé. Et on a vu la récupération de tous ces moyens d'échapper à la surveillance dans les mouvements sociaux montre qu'il y a une vraie nécessité dans certains pays, dans les oppositions politiques, de se réapproprier ce type de projet. Oui, tout à fait, que ce soit dans plein de pays, on ne va pas faire la liste parce que la liste est longue, mais même en France, hein, voilà, de pouvoir essayer de redonner du pouvoir. En anglais, on dit « empowerment », mais les Québécois disent « capacitation », j'aime bien ces mots, donc de donner de recapaciter les gens sur la possibilité de manifester librement, de pouvoir exprimer une opinion librement, de pouvoir protéger ses données, les données, les photos de ses enfants, les photos de sa famille, son propre visage. Tous ces éléments qui viennent remettre de la liberté et aussi de l'équité entre le citoyen et l'État, pour moi, je trouve que c'est extrêmement bon à prendre. Et là-dessus, dans le bouquin, il y a 50 idées. Mais en fait, si vous cherchez sur Internet, il y en a des centaines, voire vous pouvez en trouver et en inventer, c'est surtout ça. Le chiffrement, l'obfuscation ou la dissimulation, toutes ces techniques permettent de lutter contre les travers de la surveillance numérique. Mais elles ne remettent pas en cause fondamentalement l'existence d'un système politique ou économique qui autorise cette surveillance. Personnellement, cette situation ne me convient pas, et je me demande s'il est encore possible de penser à un autre modèle d'Internet qui ne soit pas basé sur la surveillance et l'exploitation de nos données numériques. En France, une association réfléchit activement à ces questions. Il s'agit de Framasoft. Fondée en 2001 dans le monde de l'éducation, elle rassemble aujourd'hui quelques dizaines de personnes proposant un autre monde numérique. À partir de 2014, leur campagne « Dégooglisons Internet » avait permis la création de 38 services pouvant remplacer en partie ceux de Google, Facebook ou Microsoft. Par exemple, des logiciels de traitement de texte partagés en ligne qui ressemblent à Google Drive, des agendas partagés et même un réseau social appelé Mastodon. Maiwen est membre de l'association. Elle est également designer web. Elle nous explique comment rebâtir un Internet qui ne soit pas centralisé autour de quelques grandes multinationales américaines en situation de monopole. En ce moment, si jamais vous voulez ne pas travailler avec Google, eh ben, c'est vraiment compliqué. Moi, par exemple, je n'arrive pas à m'en détacher complètement vis-à-vis de mon travail, notamment. Donc, c'est pas pratique. Mais à côté, il y a un web alternatif qui existe et qui est beaucoup plus horizontal et qui surveille pas ses utilisateurs. Donc, peut-être que c'est plutôt que de réussir à faire la bascule en emmenant de plus en plus d'utilisateurs qui auraient envie de changer de paradigme, de ce fonctionnement un peu contrôlé par quelques grands à un fonctionnement avec beaucoup plus de petits, mais qui sont connectés entre eux et qui font des effets de réseau qui sont, en plus, à mon sens, beaucoup plus enthousiasmants parce que voilà, on peut trouver des gens qui nous ressemblent, trouver des gens qui nous ressemblent moins, mais il n'y a pas une personne qui décide et plein de petites personnes dessous qui subissent parce qu'elles sont obligées d'utiliser son service. Alors, c'est quoi l'inverse d'un Internet centralisé ? Alors, l'inverse d'un Internet centralisé, pour moi, c'est plutôt que d'avoir... donc là, par exemple, si je vous parle des 5 gros acteurs que sont les GAFAM, donc c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ça serait de basculer vers des petites structures. Donc par exemple, Framasoft a lancé un collectif d'hébergeurs qui s'appelle Les Chatons. Et donc Les Chatons, c'est plein de petites structures qui proposent aussi des services, mais à une taille beaucoup plus petite. Et donc du coup, que vous alliez chez un chaton ou chez un autre, vous pouvez choisir celui qui est à côté de chez vous parce que, je sais pas, vous êtes en Bretagne et vous avez des copains dans la ville d'à côté qui proposent un chaton. Parce que l'idée, c'est de se dire, avoir un data center, c'est pas aisé. Par contre, ce qui est possible, c'est de trouver des personnes qui savent le faire parce que même si c'est un peu comme un garagiste, en fait, tout le monde n'est pas garagiste, mais par contre, trouver des garagistes à côté de chez soi, c'est possible. Et donc, de la même façon, avoir des collectifs d'hébergeurs à côté de chez soi, avec qui on pourrait aller discuter, à qui on pourrait payer une grenadine, une bière, et en échange, avoir des services qui nous sont proposés, avoir une structure associative, c'est ça qui permet de décentraliser, parce que, de toute façon, nos données, si on veut utiliser un service, elles vont bien devoir être... héberger quelque part, parce que si jamais j'ai mes mails chez quelqu'un, il y a bien quelqu'un qui doit assurer le fait de pouvoir les héberger dans un data center. Mais c'est pas pareil si jamais c'est un voisin, peu importe, quelqu'un qui est dans ma ville que j'ai déjà vu et que je peux rencontrer quand j'ai un problème, que si c'est Facebook qui est aux États-Unis et dont je ne sais pas ce qu'il peut faire de mes données parce que Facebook ne me doit rien et ne veut rien me devoir. Mais Maiwen, est-ce que ça suffit que cet échange et le fait que je puisse potentiellement connaître la personne qui s'occupe de mes données pour que j'ai confiance que ces données ne soient pas utilisées à des fins commerciales ou bien qu'elles soient revendues en toute discrétion? A priori, c'est pas suffisant, mais la confiance est quand même quelque chose de fondamental et quelque chose qu'on n'a pas vraiment avec Facebook. Ces GAFAM, on sait qu'ils utilisent nos données parce que c'est leur modèle économique. Bon, si jamais on revient à mon hébergeur breton, par exemple, si jamais c'est un chaton, il a souscrit à une charte qui dit que c'est pas ok d'utiliser les données des utilisateurs, il faut utiliser des logiciels libres, donc ça veut dire que ces logiciels libres, pas moi mais d'autres personnes techniques, elles peuvent vérifier qu'effectivement il n'y a pas d'outils à l'intérieur pour récupérer mes données, donc c'est la transparence qui permet de faire naître la confiance. Et puis il y a aussi le fait que je ne suis pas enfermée et que si jamais à un moment j'ai plus confiance dans cet hébergeur-là, je peux peut-être aller chez quelqu'un d'autre. Je ne suis pas emprisonnée à ne pas pouvoir sortir de ce que me propose cette personne parce que il n'y a pas d'alternative. Finalement, Framasoft essaie un peu d'induire un mouvement tel que les AMAP pour l'agriculture. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que nous, les chatons, on parle un peu d'être des AMAP du numérique. Donc on relocalise Internet d'une certaine façon. Oui, c'est exactement ça. Mais parce que c'est tellement plus enthousiasmant que d'avoir des choses qui sont à l'autre bout du monde chez Facebook où on n'a aucune idée de ce qui se passe avec des énormes data centers. Enfin, ça me semble tellement moins enthousiasmant. Mais si ces grands acteurs ont un tel succès, c'est qu'ils mettent à la disposition des utilisateurs d'Internet des services très efficaces et gratuits, comme des boîtes mail, des messageries instantanées, de l'hébergement de vidéos ou des réseaux sociaux. alors que bien souvent, lorsque j'ai cherché des équivalents qui ne soient pas détenus par les GAFAM, je me suis senti désemparé devant la complexité technique de ces outils. Alors, il y a deux choses qui font rester les personnes, à mon avis. Il y a le fait que ce soit facile à utiliser et il y a le fait qu'il y ait beaucoup de monde dessus. Il ne faut pas effrayer les personnes qui ont envie d'outils plus éthiques en leur disant « Ben oui, mais par contre, il va falloir prendre 3 heures pour se servir de l'outil avant de réussir à envoyer un mail. » Ça s'explique par le passif du logiciel libre d'être très centré sur la technique. Comment dire, c'est comme un moteur de voiture en fait, c'est de dire ben, on va surtout pas souder le capot pour que la personne elle puisse voir absolument tous les tuyaux et qu'on soit complètement transparent pour lui dire voyez, on ne vous cache rien. Mais il y a moins cette vision de dire ah oui, mais peut-être que voir absolument l'ensemble des tuyaux dès la première utilisation, la personne ça peut lui faire peur. Et tout le monde n'est pas mécanicien ou garagiste, donc moi je vois tous les tuyaux de la voiture, je dis c'est joli, mais voilà, je n'ai aucune idée de à quoi sert ce tuyau. Et moi, ce que je veux, c'est me mettre derrière le volant et conduire la voiture. Voilà, c'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'essaye de faire en tant que designer. Mais les designers ne sont pas tout à fait incorporés dans les constructions de logiciels libres encore. Parce que, en fait, le design, souvent, c'est considéré comme ce que faisait Apple, par exemple. Et donc, dans le milieu alternatif, ça pouvait être considéré comme les designers, ils vont faire les choses un peu plus polissées pour donner envie aux personnes en face d'acheter le produit et d'en devenir dépendant. Et donc, il y a un rejet très fort de ce fonctionnement-là dans le logiciel libre, ce qui est complètement compréhensible. Et donc, il faut réconcilier ces deux mondes. Et c'est ça qui est encore en cours, bien qu'il y a des logiciels quand même qui soient vraiment bien avancés sur ce sujet-là. Je n'ai pas de difficulté à présenter aux autres membres de ma famille Signal à la place de WhatsApp et personne ne m'a dit que c'était compliqué à appréhender. Contrairement à ce que parfois on pourrait envisager du logiciel libre, qui en plus, c'est pas seulement que Signal est libre, c'est qu'en plus il chiffre les communications, donc on est quand même sur un niveau encore plus avancé de confidentialité. Il existe donc des initiatives pour faire émerger un Internet plus respectueux de ses utilisateurs. Mais comme pour les AMAP dans le monde de l'agriculture, on peut craindre que cela s'installe au compte-gouttes et sur le très long terme. C'est pour ça que certains ont abandonné l'espoir d'un outil informatique permettant l'émancipation de ceux qui en font usage. C'est le cas du collectif Écran Total. Ses membres réfléchissent depuis des années à l'impact de la surveillance numérique et de la mise en données du vivant dans différentes professions. Cela va des éleveurs au vin aux professionnels de la santé, en passant par les enseignants ou les services sociaux. Keltoum, membre du collectif en Seine-Saint-Denis, est assistante sociale. De prime abord, c'est un métier qui est un métier de la relation et on en fait de plus en plus un métier de recueil de statistiques. C'est-à-dire en fait de recueillir des données socio-démographiques sur la population. C'est une cantophrénie, puisque c'est un terme. La cantophrénie, effectivement, c'est cette dérive de demandes statistiques qui vire quasiment à la maladie. Et l'informatique est venue soutenir cette demande statistique. Puisqu'en fait, on a en face de nous des gestionnaires et des politiques qui ont besoin de chiffres. Ils n'ont aucun regard sur la réalité, ils la regardent à travers des statistiques. L'informatique dans mon métier, c'est qu'on me demande depuis plusieurs années de saisir informatiquement un dossier pour chaque famille. Mais il faut savoir que dans le métier d'assistante sociale, on a un code de déontologie et une éthique forte. Et surtout, on est soumise, comme d'autres professions, au secret professionnel. On a un certain nombre d'informations, mais des informations extrêmement précises, extrêmement larges sur chaque famille. Le dossier social informatisé est identifié. Et dans ce dossier social informatisé, ce qui pose essentiellement problème, c'est bien évidemment la confidentialité. On ne peut plus l'assurer aux familles parce que le partage d'informations via l'informatique, ne préserve en rien le fait que ce dossier-là peut être consultable par des tiers qui ne sont pas, effectivement, les professionnels qui accompagnent la famille ou qui travaillent dans le même service, qui peuvent être des personnes extérieures au service de l'administration, mais également, parce que bien évidemment, il y a eu énormément d'exemples, et ce depuis plusieurs années, de ce qu'on appelle des fuites de données, c'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez des dossiers en réseau, donc vous utilisez Internet, les dossiers peuvent se retrouver effectivement au vu et au su d'autres personnes. En écoutant Keltoum, je me demande si la manière de sortir de cette mise en données systématique du réel et de la surveillance numérique ne serait pas parfois d'abandonner l'ordinateur. On peut accepter qu'il existe des espaces ou des professions particulièrement sensibles qui se passent de l'informatique. Ce serait accepter que le numérique n'est pas obligatoire dans nos vies, qu'il est un outil parmi d'autres que l'on peut l'utiliser ou pas en fonction de ce qu'on a à faire. Mais l'ordinateur est tellement présent dans notre quotidien, en particulier dans le mien, que je m'imagine à peine ce à quoi cela pourrait ressembler. Je n'ai jamais eu besoin de l'informatique dans mon métier. Ce premier ordinateur qu'on a introduit dans mon bureau, je l'ai tourné vers le mur et il était effectivement dans un coin. Ma relation aux personnes, elle se passait autour d'une table. Et donc, effectivement, les personnes accompagnées pouvaient être étonnées de ça, dans la mesure où partout dans les administrations, on utilise l'ordinateur. Mais on peut tout à fait dissocier le fait d'avoir besoin du réseau Internet pour faire des recherches. Et parce qu'on est de plus en plus dépendant aux administrations qui elles-mêmes se numérisent. La CAF, la Sécurité sociale, la Caisse d'assurance vieillesse, les impôts, etc., le sont et le sont fortement. Donc du coup, c'est eux qui induisent cet usage de l'Internet pour nous. Donc si nous devions être informatisés d'une certaine manière dans l'accès à Internet, mais ça c'est indépendamment de l'informatisation du dossier social des familles. Mon métier est basé juste sur un accord entre la famille et moi. Si on est d'accord sur ce qu'on doit faire, on le fait, on partage le travail, et si rien n'est inscrit de ce travail-là, c'est pas grave. Mais c'est grave pour ceux qui ont envie de savoir ce que vous faites. Keltoum, à quel moment avez-vous décidé de résister justement à cette mise en donnée des informations que vous recueillez auprès des familles ? Cette résistance des assistantes sociales en Seine-Saint-Denis, elle s'est passée à partir de 2010. Ils appelaient ça une enquête population. Donc c'était des statistiques qu'on nous demandait de remplir en plus des autres statistiques habituelles. Et donc en partant de ça, s'est organisé un boycott de ces statistiques. Et il y avait effectivement le fait aussi de dénoncer ce qui était recueilli sur les familles. Donc on a choisi des métiers, le mien en tout cas, je l'ai choisi, pour justement travailler à l'intérêt général, à l'intérêt commun. Et en réalité aujourd'hui, on fait de plus en plus de mon métier une manipulation, et une manipulation à des fins de réduction, voire même de disparition de ces mêmes services d'intérêt général. Parce que malheureusement, ce qu'on appelle la dématérialisation des services publics, qui a été largement dénoncée par le Défenseur des droits, cette dématérialisation des services publics, elle est dans un processus dont on ne peut pas effectivement ne pas voir la fin, et la fin, c'est la disparition. Le recueil des données dans le monde du travail a, selon le collectif Écran Total, une finalité d'automatisation des tâches, un remplacement des êtres humains par des machines. Dans le service public, cela a abouti à un éloignement entre les citoyens et les services de l'État. On peut ainsi craindre un traitement algorithmique de nombreux dossiers, comme c'est par exemple le cas à Pôle emploi. Comme le révélait le site Next Impact en 2018, je cite « Pôle emploi décide de façon automatique si une personne peut prétendre ou non à l'allocation de retour à l'emploi, sauf si la situation nécessite un examen particulier. C'est donc l'algorithme qui vérifie si le demandeur remplit les conditions d'attribution de l'aide. » En tant qu'intermittent du spectacle, et à en juger par les dizaines de mails que je reçois de la part de Pôle emploi concernant des postes dans l'informatique, je pense également qu'une bonne partie de l'aide à la recherche d'emploi est désormais confiée à un algorithme. Keltoum, est-ce que vous vous considérez comme ludiste ? Est-ce qu'il faut casser les machines ou est-ce qu'il faut inventer des machines qui respectent la vie privée des gens et la marge de manœuvre des travailleurs ? Ça, elle me fait sourire, elle me fait même rire cette question parce que moi j'aurais des tendances ludistes. Je ne suis pas du tout dans effectivement l'adaptation à la machine. Je pense que s'adapter à la machine, c'est perdre sa subjectivité, c'est perdre effectivement son humanité en fait. Être avec une machine, ou du moins devoir faire avec la machine, quelque part, c'est accepter de lâcher une part de cette subjectivité, cette humanité. Dans ce collectif, et moi également, je suis très critique sur ce qu'on appelle les hackers, parce que je ne pense pas, effectivement, qu'on puisse trouver de solution à l'intégralité du problème que pose l'informatisation. On ne peut pas uniquement la regarder du point de vue « ça me facilite ma petite vie », il faut la regarder du point de vue politique. Donc il faut casser nos ordinateurs et nos smartphones. Jeter vos ordinateurs et vos smartphones et effectivement retrouvons tout simplement des choses que nous savons. Les pistes que propose le collectif Écran Total font réfléchir, mais je ne suis pas d'accord avec la radicalité de leurs propos. Pour moi, écrire à l'aide de l'ordinateur a été une libération. Cela m'a aidé à corriger mes problèmes d'orthographe, mon écriture peu lisible, et ça m'a surtout donné la possibilité de construire, découper, recoller, déplacer mes textes en fonction de l'évolution de ma pensée et de mes projets. Je verrai donc tout retour à la feuille et au crayon comme une régression. Pourtant, j'espère sincèrement que nous pouvons développer des outils informatiques qui soient vecteurs d'émancipation, et pas seulement des outils commerciaux faisant peu de cas de la singularité et de la vie privée des individus. Il me semble nécessaire de conserver, même dans le domaine des technologies numériques, ce droit à l'opacité cher au poète et philosophe Édouard Glissant. Un droit à la fuite et à l'incompréhension, un droit à la résistance face à la transparence froide et autoritaire de la rationalité et de la pureté. J'aimerais que les technologies ne nous enlèvent pas ce qui fait de nous des êtres divers et vivants, notre imprévisibilité. C'était « À l'ère de la surveillance numérique » avec Meyerbeck Salambeck, Judith Tsang, Jean-Marc Bourguignon, Hélène Nissenbaum, Geoffrey Dorn, Mai Wen et Keltoum. Merci à la Maison des journalistes de Paris, Jeanne Albinet, Frédéric Urbain, Angie Gaudion, Yann Kervran, Stéphane Croza, Gabriel Scharf et Claire Vuillot de France Bleu à Lyon. Avec la voix d'Anne de Peufeillou. Prise de son, Laurent Macchietti, Martin Troadec, Régis Nicolas et Valérie Lavalard. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Réalisation, Rafik Zénine. Un documentaire d'Antoine Tricot pour la série documentaire. Hackers, pirates, geeks déconnectés ou dépendants des réseaux, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous écouter avant de tout débrancher, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, on ira voir ce qu'il reste de la domesticité. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, toute une vie et l'expérience. Je commence le livre par la fin. J'ai le menton au pour un rien. C'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Sourire rouge et me parle gris. Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre d'or.